paysan, il a un statut, en quelque sorte, de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout ça, parce que on défend l'agriculture de type capitaliste, et nous, on nous laisse finalement mourir. Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place. Mais... son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production. Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social. En Andalucía, sí, Andalucía son 8 provincias y la verdad es que siempre el tema de los terratenientes, la burguesía y los grandes capitalistas siempre ha sido para ellos la panacea en Andalucía, el tema de la tierra. En Andalucía tenemos las mejores tierras de Europa, tenemos clima y tenemos... En Andalucía, l'Andalousie sont 8 provinces, toujours les propriétaires et la bourgeoisie, les grands capitalistes. Ça a toujours été la panacée pour eux, la terre en Andalousie. On a les meilleures terres d'Europe, le climat et la main-d'œuvre. Mais le problème que l'on a toujours eu ici, historiquement, c'est que les gouvernants toujours, qui ont géré nos terres, ont toujours été à la disposition de ces gens, des possédants. Et donc, c'est toujours le peuple qui a subi. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cette situation est toujours là. Une terre comme celle que nous avons, et un taux de chômage comme le nôtre, c'est honteux. Mais il y a des coupables. Ce sont la politique et les gouvernants qui font la politique non pas pour ceux d'en bas, les travailleurs, mais pour ceux d'en haut. Que me duele que si yo desde 7 años estoy trabajando, en vez de tener un libro en las manos y cojo un bolígrafo para que 4 terroristas, mendrugueros, fascistas, que había abusado de mí, yo habéis comido mi salud, lo que tenía es mío, de mis costillas, de mis sudores, en esa vega, sin darme ni gotica de agua, hijo de puta, que había esturreado el agua en mi delantera, por no darme agua, por no darme agua, y agua se le da a un perro, agua se le da a un perro, ¿eh? Entonces si yo toda mi vida trabajando y tengo 59 años y trabajando... ¿Alors? La seule chose dont je souffre, c'est que 6 mois, depuis mes 7 ans, je travaille au lieu de tenir à la main un livre et un stylo. C'est à cause de 4 terroristes fascistes qui ont abusé de moi, qui ont détruit ma santé. Ce qu'ils possèdent est à moi, ça vient de mes tripes, de ma sueur. Sans même me donner une seule goutte d'eau, ces salauds. L'eau qu'ils donneraient même à un chien. Alors, si moi j'ai travaillé toute ma vie, alors qu'ils ne lèvent pas le petit doigt, ils ne savent même pas ramasser le coton ni les betteraves, le pain qu'ils mangent, c'est celui de la trahison. La terre, c'est la mienne et celle de mes camarades. La mienne et celle de mon peuple. La mienne et celle de la classe ouvrière, mais pas celle des propriétaires. Et jusqu'à la mort, on se battra pour elle. Quoi qu'il nous en coûte. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. La rueda es otro proyecto, la rueda es una finca privada que está más o menos en la misma zona que pertenece al municipio Úbeda y Baeza, y esta finca, pues bueno, ahí había muchísima gente de la localidad de Joda trabajando durante los 15 últimos años, alrededor de 200 personas todo el año trabajando. Y a la hora de recoger el fruto, la aceituna, que eran los meses de noviembre, diciembre y enero, habría sobre 700, 800 personas trabajando de la zona. Pero desde hace 2 años que la finca, los propietarios, que era una empresa, una especuladora de la construcción, de la burbuja inmobiliaria, que invirtió en esa finca a la hora de desplomarse todo lo que fue la burbuja esta de la construcción. La Rueda, c'est encore autre chose. C'est une ferme privée où beaucoup de gens de Rodar ont travaillé ces 15 dernières années, autour de 200 personnes toute l'année. Et en novembre et décembre, pour les récoltes des olives, il y avait 800 personnes du secteur qui travaillaient. Mais depuis 2 ans, les propriétaires, une entreprise spéculative de la construction, la bulle immobilière qui avait investi, n'ont pas pu faire face à leurs dettes avec la banque BBVA. Alors la banque a gardé l'exploitation de 580 hectares. La Rueda et Casa Baja, ça représente 3000 oliviers, donc du travail pour beaucoup de monde. Donc actuellement, le SAT se concentre là-dessus pour que nous puissions travailler nous-mêmes cette surface et la garder pour nous. C'est la lutte du moment, que cette ferme soit dans les mains du peuple et des travailleurs. Que la finca está totalmente abandonada porque el banco, el BBVA, lo que le interesa es la subvención de la política agraria comunitaria. Hoy la política agraria comunitaria no paga las subvenciones por producir, sino paga en función de tierra que tú tengas. Entonces, las 580 hectáreas... La propriété est totalement abandonnée parce que la banque BBVA, ce sont les primes de la PAC qui l'intéressent. Étant donné que la PAC ne paye pas les subventions pour produire, mais seulement en fonction des hectares que tu possèdes. Donc ces 580 hectares rapportent des millions à BBVA. La ferme ne les intéresse pas, ce sont les terres qui les intéressent. Donc, on s'est rendu compte que si nous commencions à travailler et à prendre soin de cette ferme, ne pas laisser ça se perdre, ça peut devenir une source importante de main-d'œuvre et une richesse pour notre peuple. Pero hoy más que nunca estamos más fuertes para dar una lucha pacífica, pero permanente y que va a ser histórica en conseguir de que esos bienes comunes del pueblo andaluz, como es la tierra y la agricultura, pasen a nuestras manos. Face à cela, aujourd'hui plus que jamais, le SAT, nous sommes plus forts pour lutter pacifiquement, mais de façon permanente, et ce sera historique d'arriver à ce que ces biens communs du peuple, les terres et l'agriculture, reviennent entre nos mains. Que notre politique ne dépende pas de Bruxelles, mais que l'on fixe nous-mêmes nos prix et nos valeurs, que l'on décide nous-mêmes de ce que l'on sème sur ces terres qui aujourd'hui ne sont pas cultivées. Entonces, yo lo que digo una cosa. Los trabajadores lo tenemos muy claro, muy claro, muy claro. Y tenemos la cabeza muy fría y vamos por la tierra, por la rueda, por Casa Baja. Y el día que tengamos la rueda en las manos... Je dis une chose. Nous, les travailleurs et travailleuses, sommes clairs sur ce point. Allons récupérer ces terres, la rueda, Casa Baja. Et le jour où la rueda sera entre nos mains, alors nous réfléchirons à si on a besoin d'en récupérer plus ou pas. Mais le peuple de Rodar doit sortir de la misère. Parce qu'ici, il y a énormément de misère. Comme il y a aussi énormément de faim. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui rentrent chez elles le soir et qui n'ont rien à manger. Andaluces de Jaén, afortunados altivos, decísme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Et donc voilà, ça c'est un extrait de l'émission Paysans et Paysannes dans la lutte des classes, qui est diffusée sur Radio Dragon et Radio Canu, des radios très très bien, et une émission très très bien, et du coup, ben voilà, on mettra le lien sur le blog Joie, Rage et Courage à propos de ces émissions. Voilà, normalement aujourd'hui Joie, Rage et Courage devait être consacré à la 45, mais voilà, et ben la prise de son n'étant pas terminée ou correcte, et le montage pas très avancé, et ben finalement on a, enfin, le programme est un peu bouleversé et un peu improvisé, et du coup en fait on va parler d'un un peu improvisé à partir d'un son qui a été trouvé en préparant le dossier sur la 45, qui est un son issu d'un congrès en février 2015, un congrès tenu à Lyon, un congrès, une assemblée et des tables rondes organisées par le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques. Alors, était invité lors de ce débat Gaël Perdriau, glorieux et valeureux maire de Saint-Étienne, et aussi représentant de l'Association des maires de France. Et en fait, il y a un petit extrait qu'on va vous passer, et on va parler un peu à improviser autour de cet extrait. C'est à propos des consultations entre guillemets citoyennes. Dans les nouveaux acteurs, il a été question notamment de ces acteurs, alors peut-être qu'ils ont été un peu oubliés, des citoyens en fait, qui prennent maintenant de plus en plus part à certains débats, peut-être pas de la meilleure des façons, puisqu'il a été dit aussi que la consultation publique telle qu'elle existait aujourd'hui, alors ça n'a pas été dit comme ça, mais bon, c'était un peu has-been, parce que voilà, ça a été dit avec des mots un peu plus, mais moi je vous le fais cash, comme disent les jeunes, les gens ne se déplacent plus pour donner leur avis, en revanche, ils se mobilisent très fort pour manifester leur opposition. On l'a vu sur certains sujets d'actualité récents sur lesquels je ne vais pas revenir. Est-ce que c'est aussi une composante quand on est élu et quand on est à l'AMF que l'on prend en considération, parce que maintenant, c'est assez fluctuant. Il faut aussi faire prendre ça en matière pour prendre une décision, avant de prendre une décision. Je crois que les maires ont compris depuis longtemps que ce n'est pas parce qu'on gagnait l'élection que tout était permis pendant 6 ans, hein, et puis qu'on se donnait rendez-vous 6 ans plus tard. C'est vrai que cette concertation, cette consultation, elle est permanente. Je crois que l'élection, elle a le mérite de donner un cadre. Ça permet d'expliquer à la population le cadre dans lequel on souhaite évoluer, les objectifs que nous recherchons en matière de politique publique et de comment on va le faire. Et puis ensuite, projet par projet, il y a le Conseil de développement qui associe, je le disais tout à l'heure, les acteurs de la société civile de manière très large et qui permet de porter une réflexion sur le projet à moyen terme et sur les objectifs à atteindre. Et puis les conseils de quartier, les conseils citoyens qui existent. Et comme vous le dites, on a d'ailleurs cette difficulté, c'est vrai dans toutes les villes, pour intéresser le citoyen. Peut-être parce qu'il a eu l'habitude aussi que beaucoup de projets étaient déjà décidés avant même qu'on les mette à la concertation. Et je crois que les élus doivent aussi une certaine honnêteté. C'est-à-dire que quand on arrive dans une réunion de concertation, il n'est pas question que ce soit le citoyen qui décide de l'aménagement de la ville. C'est pour ça que l'élu quand même a été élu. Mais qu'on en pose le cadre et qu'on laisse à la négociation... Qu'on lui explique. Qu'on explique clairement ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et puis parfois, il y a des choses qui ne sont pas négociables et qui deviennent quand la pression, comme vous disiez, devient trop forte. Donc je crois que la relation entre l'élu et la population a énormément évolué aussi, et que sans être évidemment dans de la co-gestion, surtout pas, on est en tout cas dans de la co-construction. Et que tout seul, on n'arrive pas à porter des projets. C'est comme dans une entreprise, il faut convaincre ses équipes, donner du sens à l'action que l'on porte. Et je crois que ça, c'est important aussi de considérer le citoyen en expliquant pourquoi on fait ça. Parce que parfois, dans un quartier, un aménagement qui va se trouver dans un coin de rue, si on n'explique pas l'importance qu'il a pour la construction, la logique de la ville, il peut ne pas être compris. Et donc voilà, c'était Gaël Perdriot qui nous parlait de consultation et d'implication des citoyens dans les projets. Donc ça, c'est en février 2015. Alors dans la petite vie entre guillemets de la démocratie locale stéphanoise, en avril 2015, donc 2 mois plus tard, les conseils de quartier étaient mis en sommeil. Voilà, cette mise en sommeil, cette hibernation a duré quand même quelques temps, puisque c'est seulement fin novembre 2016 que la mairie a statué sur le futur de ces conseils du quartier et les a transformés et les a rendus à huis clos. C'est-à-dire que les nombres de conseils du quartier seraient diminués et que leurs membres, une quinzaine, et seraient composés d'élus et d'habitants et de membres d'associations invités par les élus. Et tout le reste n'était pas invité et pas le bienvenu. Et bref, en fait, ça nous renvoie à des discussions et également un article paru dans le journal Le Couac à propos des consultations publiques, etc. Pour plein de raisons et dans plein d'histoires de lutte, et comme il est plus ou moins mentionné entre ces décideurs lors du son qu'on a passé, en fait cette farce, cette hypocrisie des rendez-vous de consultation publique et des débats publics a été percée à jour, et du coup les gens effectivement on n'en veut pas de cette supercherie et de cette organisation qui nous fait croire que nos avis les intéressent. Et en fait, Perdriot, dans le coup, il est très clair, hein, son but, c'est pas la co-gestion, ou surtout pas, comme il dit. Mais par contre, il parle de rapport de force. Mais on va revenir à un exemple de consultation qui s'est pas très bien passé. Et ça, c'est un exemple d'un documentaire qui s'appelle Poubelle la vie. C'est un documentaire sur la situation de Bure. En fait, le Bure, c'est un village en Haute-Marne, entre la Haute-Marne et la Meuse, où ils construisent un centre d'enfouissement de déchets radioactifs. Et il y a un documentaire donc sur le site vmc.com, CAMP, un documentaire qui s'appelle Poubelle la vie, qui explique très bien comment l'État et le pouvoir a organisé l'acceptabilité de ce projet. Et là, on va passer le point 7 de cette acceptabilité, qui s'appelle faire participer, c'est faire accepter. Je pense que là, on a su, nous, expliquer à la population locale ce qui se passait réellement. C'est-à-dire que, en plus de nous avoir imposé ce projet, sournoisement, et puis à coups de millions d'accompagnement d'argent sale pour accompagner le projet, en plus de ça, plus de nous prendre finalement pour des imbéciles, ben là, on faisait semblant de nous demander notre avis. C'est-à-dire participer à un débat alors que tout est déjà décidé, que le projet est sur les rails. D'ailleurs, pendant le temps du débat public, l'ANDRA, l'agence qui gère les déchets radioactifs et qui enfouit à Bure, ben l'ANDRA passait des marchés publics alors même que théoriquement on était en train de discuter du devenir de ce projet. Donc le débat de 2013, On s'est préparé quasiment assez vite, 2011-2012, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. On a essayé de rassembler des associations. Alors il y a des associations qui ont dit on veut participer. Et nous, on a fonctionné en 6 associations locales, qu'on appelle la coordination Burstop. Et on a fait un appel et on a 45 associations et organisations nationales qui nous ont rejoints. Non, vous ne me convaincrez pas. Sachez que je suis content d'avoir eu un petit contact avec vous. Eh bien maintenant, je serais très content si vous refusiez de rentrer et si vous annuliez que le débat est annulé parce qu'il est bidon. N'attendez pas ça de moi. Ben, c'est dommage, monsieur. J'ai programmé un débat, je le fais. Mais alors, il y avait une pub pendant un moment qui disait qu'il y avait des imbéciles qui ne changeaient pas d'avis. Donc j'aimerais bien que vous changiez d'avis et que vous renonciez à animer ce débat en disant qu'il est trompé. Connaissez la suite. On marche. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à rejoindre votre place. Elles arrivent. Et 7h moins 1, on commence à 7h, on termine à 10h. C'est un engagement qu'on prend. Je vais donc, pour commencer, passer la parole à M. Antoine Mervébure, qui nous accueille dans sa salle municipale. Monsieur le Président de la Commission nationale, ainsi que les membres de la Commission particulière, Monsieur le représentant de l'ANRA, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir au nom de la municipalité de Bure. La réunion inaugurale a lieu ce soir à Bure, la première des 14. Je souhaite que chacun puisse s'exprimer librement sur le sujet, que le débat soit riche et calme. Bon débat à tous. Voilà. Merci, M. Antoine. Et merci aussi pour l'aide que vous avez apportée pour organiser cette soirée. Il y a non seulement ce soir des personnes de la commune de Bure et des communes avoisinantes, mais il y a aussi de nombreux journalistes, dont certains venus de Paris, tant le sujet est intéressant. Et donc il y a de nombreuses personnalités que je ne saluerai pas toutes parce que je ne pourrais pas le faire. Donc ça veut dire que nous sommes un tout petit peu à l'étroit. Alors je signale aux gens qui ne voudraient pas passer toute la soirée debout qu'il existe une petite salle à côté où il y a une retransmission. Pourquoi on s'est mobilisé? C'est parce qu'on avait déjà subi un premier débat public en 2005, préalable à la loi de 2006 sur la gestion des déchets nucléaires, qui nous a bien bétonné Bure, hein, parce que voilà. Et donc, le premier débat public en 2005, on a commencé, les collectifs, à se dire, et même on fonctionnait à l'époque en coordination nationale, on s'est dit, bon, on va aller voir ce qui se passe, on va peut-être nous interroger, on va peut-être pouvoir avoir prise sur les événements, débat public, voilà. Et on s'est vite rendu compte que le débat public, c'était pas du tout pour dire est-ce qu'il est bon d'enfouir ou non, mais c'était plus une campagne d'information sur l'enfouissement. Voilà. Les conclusions, c'était la majeure partie des gens, enfin du peu de public qui au niveau, parce que c'est un débat public national qui a été concerné et qui quelque part a donné son avis, les gens ne veulent pas qu'on enfouisse, les gens veulent qu'on continue à donner des moyens aux recherches pour le maintien des déchets en surface. Pourquoi? Parce que ça fait moins peur, parce qu'on se dit que ça permet de les reconditionner le jour où ça fouille. Et puis l'enfouissement, il y a des tas de plus en plus de pistes aujourd'hui qui nous disent que, enfin qui nous confortent dans l'idée que c'est dangereux. Pour nous qui avions cru finalement à la démocratie participative, hein, on avait cru que bon, bah, puisqu'on nous demandait notre avis, peut-être qu'on en tiendrait compte. On n'en était pas complètement sûr, mais là on en est certain. De toute façon, ça ne fonctionne pas, en tout cas dans le domaine du nucléaire. Et donc, lorsque le débat de 2013 est arrivé, bah, on a dit, si c'est pour repartir comme en 2005, on n'est pas d'accord. Et donc on a décidé, mais on n'était pas complètement tous sur cette longueur d'onde. Il y a des gens qui ont préféré participer au débat public, mais une majorité de gens a quand même décidé de boycotter le débat. Et boycotter le débat pour nous, c'était le boycotter de manière active. C'était donc de faire que ça soit un moment d'échange, un moment pour l'action. Et puis, on était bien décidé à dire, CIGEO, on n'en veut pas, et CIGEO, dégage, quoi. Hein, c'était clair et net, le mot d'ordre, c'était ça. Alors, et vous venez aujourd'hui nous dire que vous avez la parole. Mais on n'a pas la parole. C'est un mensonge. On n'a pas la parole. On ne l'a pas. On a la parole. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Nous, on veut avoir le pouvoir de décision. Et c'est pas vous qui pouvez nous l'accorder. Vous pouvez faire croire qu'on nous l'accorde et désamorcer la contestation. C'est votre rôle à vous, la commission du débat public. Partez. Donc... La première séance qui a eu lieu à Bure et puis ensuite la seconde à Bar-le-Duc, puisqu'entre-temps, il n'y en avait pas eu d'autres, ont été copieusement chahutées. Et à Paris, on veut vous viser le sud du département. Si vous aviez dit tout ça, tranquillement... Maintenant c'est fini. Qu'on noircit les cahiers d'acteurs, qu'on donne des arguments. 20 ans qu'on essaye de faire, personne ne nous entend, on nous méprise. Et puis aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'on nous donne la parole alors que le projet est déjà décidé. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On prend les gens, on prend les citoyens, pas seulement les Meusiens, l'ensemble de la population française pour des imbéciles. Les commissions du débat public sont de la démocratie, cause toujours. C'est tronqué, c'est absolument faux. Non, on ne les laissera pas parler. Non, parce que c'est une honte. Ces gens-là viennent nous tromper. Ça fait trop longtemps qu'on laisse la parole à des gens qui décident pour nous. On en a marre, on veut décider tout seul. Voilà. Et moi j'appelle les élus, Meusien et Haut-Marnais, à se révolter. Il y en a marre. Dès le départ, pendant que M. Bernet, donc président, et les gens, son petit staff, expliquaient ce que c'était que le débat et les trucs, et donc ça n'a pas pu se tenir aussi. Voilà. Et donc suite à ça, il a jeté l'éponge, il a dit « C'est quoi ce pays? On arrête tout et on trouve d'autres solutions. » Alors il a dû se dire « Bon, on va faire ça en loose day, c'est-à-dire que sans que les gens soient prévenus, on va les voir dans les petites communes, on va les voir au plus près. » Donc il a fait deux réunions dans des petites communes dans laquelle il n'avait quasiment pas communiqué, donc il n'y avait quasiment personne, hormis le maire et puis un conseiller municipal. Et il y avait aussi des gens de chez nous qui étaient devant, qui diffusaient de l'info. Et puis il a dû se dire aussi, monsieur Bernet, c'est bon, c'est pas ça qui fonctionne. Donc le débat s'est transformé en 8 réunions par Internet. C'est-à-dire des 8 réunions de 2 heures, soi-disant contradictoires, virtuelles par Internet. Voilà. La commission du débat public s'est rendu compte qu'on n'allait pas lâcher de sitôt, qu'on était déterminés, de toute façon on ne l'est plus que jamais, donc c'était clair et net, et on était bien décidés à ne pas laisser ce débat se dérouler, un peu comme d'autres débats ont été boycottés, comme celui sur les nanotechnologies, etc. À Bure, les gens ont refusé de, de participer et ont même saboté des discussions, des débats, des réunions publiques. Et ça s'est fait aussi ailleurs, sur d'autres sujets, comme sur la question des nanotechnologies. Alors, je vais vous lire, donc ça c'était en... C'est un mouvement qui s'est passé dans les années 2009-2010. Autour des nanotechnologies, l'État avait décidé, avec le CNDP, d'organiser un cycle de réunions, de faux débats, sur la question des nanotechnologies. Donc je vais vous lire un texte, un tract qui a été distribué à Grenoble, et après on reviendra sur un peu l'histoire de ce mouvement contre les débats publics. Alors le tract. Vous aussi organisez votre débat pipeau. La Commission nationale du débat public vous livre le secret de l'organisation des débats pipeau en 10 leçons. Leçon 1. Organisez le débat public une fois que les décisions sont prises. Gardez en tête que l'objectif du débat est de faire accepter les décisions à la population et surtout pas de la faire participer aux prises de décision. Faites comme le gouvernement qui, 3 ans après l'inauguration de Minatech, n'organise ses débats que parce qu'il craint un syndrome OGM avec les nanotechnologies. Rappelez-vous que ce principe des experts en acceptabilité de France Télécom, entre guillemets, faire participer, c'est faire accepter. Leçon 2. Présentez-vous comme une commission indépendante. Peu importe que le débat soit commandité par 7 ministères, que tous les membres de la commission soient nommés par l'État, parmi des parlementaires, des élus locaux et des responsables de haute juridiction, peu importe que vous soyez financé par l'État par le biais du ministère de l'écologie par exemple, et logé à Grenoble par le ministère des Finances, peu importe que le président de la commission soit un ingénieur ancien directeur général d'EDF et pro-nucléaire, bref, un technarque, peu importe tous ces détails, l'important est de clamer votre indépendance sur tous les toits. Pour être crédible, vous pouvez même vous montrer vexé lorsqu'on remet en cause cette indépendance et écrire une lettre aux opposants pour vous plaindre de leurs allégations. Leçon 3. N'organisez pas le débat vous-même. Vous n'avez pas de compétences nécessaires en marketing, communication et stratégie d'opinion. Faites plutôt appel à des professionnels comme l'agence INE Consultant, embauchée pour organiser les débats sur les nanotechnologies. C'est encore mieux si, comme INE Consultant, l'agence que vous recrutez s'est illustrée à l'automne 2008 en répondant à un appel d'offres du gouvernement visant à repérer les leaders d'opinion dans l'éducation nationale et à anticiper les risques de contestation. Cela montre le peu de scrupules qu'elle a dans la manipulation de l'opinion. Leçon 4. Ne laissez pas de place à l'inconnu, à ce qui fait la vraie discussion, le vrai débat. Comme la CNDP, préparez la liste des questions que les gens risquent de vous poser et entraînez-vous à y répondre de manière naturelle. Au bas de cette liste de questions, inscrivez les sujets sensibles à ne pas évoquer pendant le débat. Comme le conseille la CNDP, attention tout de même à ne pas donner l'impression de circonscrire arbitrairement le débat. Leçon 5. Souvenez-vous toujours que le débat n'aura aucune conséquence. Ainsi, lors des débats, vous pouvez et devez encourager l'expression de toutes les opinions. L'important est de pouvoir dire ensuite que tout le monde a pu s'exprimer, surtout les opposants. S'ils décident de boycotter votre débat, suppliez-les de venir au nom de la démocratie. Leçon 6. Invitez les faux opposants pour faire croire à un vrai débat. Prenez l'exemple sur la CNDP. Des Verts à la Fédération France Nature Environnement, elle invite tous ceux qui sont sous couvert d'écologie, préfèrent gérer les nuisances industrielles que les supprimer. À Grenoble, elle invite par exemple l'association Démocratie, Écologie et Solidarité, association qui a soutenu ouvertement les constructions de Minatech. Le rôle de ces faux opposants sera de quémander les mesures dérisoires que vous aviez de toute façon prévu de leur accorder. Par exemple, l'étiquetage des produits contenant les nanoparticules. Pour que votre débat pipeau paraisse encore plus vrai et plus citoyen, vous pouvez aussi inviter les membres de la CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté. Depuis sa création, cet autre organisme indépendant ne fait qu'avaliser les mesures sécuritaires et liberticides que l'État met en place, mais les rend plus acceptables en donnant l'illusion d'un contrôle démocratique. Leçon 7. Restez entre amis. Surtout, ne faites pas trop d'informations autour du débat, ni tract, ni affiche. Il serait dommage que trop de simples citoyens viennent perturber un débat entre experts. Si vous craignez une présence trop forte d'opposants, faites comme la CNDP, qui a envoyé des mails à tous les membres du personnel de la Fac de sciences de Grenoble et du CNRS, pour les inviter à venir bourrer la salle du débat. Il n'y a point de faux débat sans faux public. Leçon 8. Découpez votre débat en tranches. Prenez l'exemple sur la CNDP. Pour chaque ville, un sujet de débat précis. Développement durable et enjeux éthiques à Grenoble. Nano-armes à Marseille. Nanotechnil à Lille. Pneus à Clermont-Ferrand, forcément. Ainsi, lorsque les opposants tentent d'apporter une critique sociale et politique, donc une critique globale des nanotechnologies, ils se placent immédiatement en dehors du débat. C'est formidable, le débat est réduit à un débat technique dont sont exclus les non-spécialistes. Leçon 9. Minimiser et discréditer l'opposition. À l'instar de la CNDP qui évoque très peu les perturbations des débats de Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand et l'annulation du débat de Lille par les opposants, faites comme si les débats se déroulaient pour le mieux. À cet effet, la presse peut vous être d'un grand secours. L'AFP est par exemple capable de relater le débat de Clermont-Ferrand, saboté pendant 2h30 par les opposants, sans en dire un seul mot. Localement, Greux News ou le Dauphiné Libéré savent transformer l'invasion de Minatech par des opposants le 20 novembre en simple manifestation de 20 personnes devant Minatech. Enfin, pour discréditer les opposants, vous pourrez compter sur les technarques locaux comme Geneviève Fioraso qui ne manque pas de fustiger leur totalitarisme. Leçon 10. Enfin, retranchez-vous dans un bunker. Devant les risques de contestation, n'hésitez pas à faire appel aux forces de l'ordre, renseignements généraux, brigades anticriminalité et à des vigiles privés. Faites-les installer à l'extérieur comme à l'intérieur de la salle. À l'entrée, instaurez un dispositif de sécurité renforcé avec triple contrôle de vigile et fouille. Faites signer aux gens un engagement à ne pas perturber le débat. Évidemment, n'oubliez pas de dire que ces décisions ne sont pas de votre responsabilité, mais de celle de la préfecture. Voilà, vous savez tout sur la manière dont organiser un faux débat à la Commission nationale de débat PIPO. Vous n'avez plus qu'à espérer que cela suffira à endormir la population et à faire taire toute contestation. Ce qui, malheureusement, est loin d'être gagné à Grenoble ou ailleurs. Donc voilà, ben, ce tract, eh ben, ça a été un tract distribué du coup, à la tentative de débat public de Grenoble le 1er décembre 2009. Et comme il est dit dans le tract, cette tournée d'acceptabilité des nanotechnologies a quelque peu été bloquée et tentée d'être sabotée à plusieurs endroits, au point même que au bout d'un moment le CNDP a décidé d'annuler les derniers débats, pseudo-débats, en prenant acte de l'incapacité pour elle de gérer et de faire prendre de faire leur technique d'acceptabilité de cette technologie. Bref, voilà en fait ces questions que ça pose, c'est sur la question de l'acceptation de ces projets et de comment le fait de participer à ces fausses consultations, et bien en fait c'est participer à l'acceptation de ces projets, et que du coup il est hors de question pour nous d'accepter et de tolérer de participer à cette mascarade et du coup de broncher, d'accepter sans broncher. Et en rebond, pour revenir à la prise de son sur le colloque entre décideurs avec Gaël Perdriau, c'est qu'effectivement, il est important que les gens expliquent leur projet clairement, et que du coup, on attend toujours l'explication clair et net du sacrifice des terres agricoles, de la suppression d'espaces naturels, de l'organisation d'une transformation de Saint-Étienne, d'une transformation d'une zone comme les Monts du Lyonnais, etc., etc., de l'organisation et l'acceptation de transport par voie de camion, etc. Et aussi d'industrie, du projet partenariat public-privé avec les concessions et Vinci. Bref, tout ça, on attend que le pouvoir explique clairement et dise clairement leur volonté. Et quoi qu'il en soit, par rapport à un projet comme l'A45, il est évident que face à ça, il n'est même pas question d'espérer ou quoi que ce soit de débat public ou des consultations. De toute façon, on a bien vu dans plein d'exemples que ça n'a jamais été intéressant, pertinent et efficace. Bref, il n'est pas pour nous question de participer à un truc qui va nous construire un futur mortifère. Et du coup, forcément, comme le dit le projet, enfin comme le dit Gaël Perdriau, eh ben, on est dans un rapport de domination. Et du coup, eh ben, face à ce rapport de domination, eh ben, la seule arme, c'est la lutte et le conflit. Et du coup, d'entretenir une conflictualité envers les décideurs. Et ben voilà ce qu'on voulait dire sur les rapports, sur les consultations publiques, les conseils de quartier, etc. Et ben en fait, en tout cas, dans ces prises de décision, en rendant les conseils de quartier à huis clos et entre personnes désignées par les élus, en prenant les décisions comme... bah, comme le projet d'augmenter le terrain pour la carrière de Saint-Julien-Molamelette et sur la 45, il est évident que nous la seule réponse qu'on doit avoir, c'est de faire face et de lutter contre ces projets qui nous promettent un futur qu'on ne veut pas. Voilà, et ben on va arrêter de parler un peu et puis on va passer un petit morceau de Praying Hands et puis après ben, il sera temps pour nous de mettre fin à ce numéro de Joie, Rage et Courage. Et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense,